20h. L'oiseau, ça fait un temps, j'ai pas vu l'oiseau. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Get in my business to see you. Coucou Yonaravonte. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Oui. 307e opus. C'est ça. C'est ça, hein, ouais. J'arrive à compter. Et pour démarrer l'émission, ben ouais, Charles Bradley qui a cassé sa pipe à 68 ans, qui a été, pour la petite histoire, presque un clone de James Brown. Et ça lui a pas forcément rapporté que des bonnes choses, puisqu'il y a une carrière plutôt confidentielle, en tout cas de notre côté. Et ça fait jamais que quelques années, grâce aux Dap Kings, qu'il est arrivé dans nos oreilles et qu'on a découvert un bonhomme avec un talent assez, assez fameux. Et le soul, la soul à l'ancienne, c'était dans ses cordes vocales, entre autres. C'est ça. Ça transpirait, on retiendra de lui. Ben, voilà cet album Victim of Love en 2013. Et Strictly... ouais, j'ai oublié le titre. Strictly Reserved for You. Voilà, on va l'écouter maintenant. Et il y a notamment une reprise tout à fait étonnante et percutante et émouvante même du Changes de Black Sabbath. Ok. Sur ce disque. Somptueuse, vraiment. Uh-huh. Voilà, au programme ce soir. Album de la semaine. Mm-hmm. La revue de Corenco. Le fil rouge, nouveau fil rouge. Oula. Ça y est. Oula, oula, oula, oula. Il y aura une archive... ouais, c'est du direct ça, live. Avec on parlera pas de moto, quoi qu'on pourrait. Non. Mais on parlera, pas, on parlera pas de moto, il y aura une archive après 9h, quoi. Et après la moto, rassurez-vous, bien après la moto. Books on the radio. Bon, voilà. J'ai dû retrouver un truc entre deux parce que dans le truc des séquences, l'archive arrive après Books on the radio. C'est ça. Bon. Mm-hmm. Bon, allez, je vous ai trouvé un 45 tours, un maxi 45 tours. Ouais. Voilà. Un maxi 45 tours. Ouais, ça sera juste avant 9h, juste avant Books. D'accord. Comme ça, vous savez. j'ai ça. C'est ça, la séquence juste avant Books. Voilà. Bon, allez. Allez, on commence. Trêve de 1, parce que ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde et on n'avance pas. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Claude Rich, hein, qui nous a quittés, on n'en a pas parlé parce que voilà, c'était pendant nos congés, mais la voix, c'est évidemment des tontons flingueurs, et c'est Claude Rich. Voilà. Terrible. Dommage. Allez, album de la semaine. Vie. Chose promise, chose due, comme on dit. Le week-end passé, on en parlait. Des Bruxellois d'Empereur. Ouais. Et pas Empereur. Empereur. Voilà. Non, c'est Empereur. Ouais. Ah, non, on dit bien ça en français. Empereur. Ouais. Donc, Quatuor Bruxellois. Mm-hmm. Ils ont sorti une sorte de premier album, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Every Day is Day Saint Resurrection Show. Fortement inspiré par Killing Joke, au moins pour le titre. Même pour la pochette. Même pour la pochette, absolument. Alors quoi tu veux brouiller ces lois. Voilà, tu peux la montrer. Hop. On voit rien, mais c'est pas grave. Ouais. Pour vous dire, voilà. C'est du vinyle. C'est vrai. Allez, Quatuor Bruxellois, composé de tout simplement PP, OQP, voilà, TN et JE. Allez savoir qui se cache derrière tout ça. Je ne sais pas moi-même. Ils n'ont pas trop envie que ça sache, à mon avis. C'est peut-être ça. Mais pourtant, on peut retrouver quand même un clip. Oui. Voilà. Clip que vous pouvez retrouver sur notre blog. Mm-hmm. touslescanards.blogueur, parce que ça a changé d'ici, .com. Oui. Voilà, et c'est le premier clip de cet album. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est justement le morceau qu'on va écouter en premier. Ah bah, ça tombe bien. Les choses sont bien faites. Hein, ça. Le morceau s'appelle Rumours. Thank you. Rumours, extrait de l'album de la semaine Every Day's Days and Resurrection Show du groupe Empereur. Miam miam. Miam miam. Miam miam. Miam, miam. Donc Empereur, groupe bruxellois qui a tourné et qui tourne encore d'ailleurs, mais qui a beaucoup beaucoup tourné cet été. Et notamment avec des gens qui nous sont un petit peu familiers. Mm-hmm. Comme Soviet Soviet par exemple. Tout à fait. Comme Dead. Comme Ra. Mmh. Voilà, Doggerland, Total Victory, François Viro, de KVB, Scaffolder. Enfin, bref, ça va. Bonne compagnie. En très bonne compagnie. Mmh. Alors, à savoir aussi que, chose promise, chose due également, la semaine passée, on vous avait parlé d'un petit concours, voilà, pour gagner ce petit vinyle, voilà, qui est en notre possession. Et donc, il suffit de vous... Il est là. Connecté sur notre page Facebook, tous les canards. Tous les canards Facebook. Voilà. Et de répondre à la question qui vous est posée. Voilà. Le premier qui répond. Bim. Bim. Et gagne le vinyle d'Empereur. Ouais. Vrai vinyle. Parce que là, je faisais du bruit, mais il y a un vinyle qui est emballé. Si. Il y a un vrai vinyle. Ouais, voilà, c'est ça. Il est emballé, il n'a pas été touché. Donc, Rien. Rien du tout, donc notre page Facebook, tous les canards vont à la mare. Ouais, ça doit être même tous les canards tout court, d'ailleurs, je pense bien. Ouais, ça s'appelle tous les canards vont à la mare. Ouais, voilà. Voilà, vous tapez tous les canards vont à la mare et vous allez trouver notre page, en gros. Mm-hmm. Voilà, et il y a déjà un petit commentaire. Allez. Sans donner la réponse, mais... Bon. Voilà, suivez-nous. Alors, deuxième extrait pour cet album Every Day's Days. Mmh. Resurrection Show d'Empereur, on va écouter le morceau qu'on a écouté le week-end passé. Ouais. Ouais, No Shelter, faisons-nous plaisir. We'll be right back. United States of Overall par le groupe Overall qui a sorti son album, hein, c'était La Plage éponyme, en mai dernier. Album somptueux, oui, brutal, oui, rêche, pas toujours accessible, quoique quand même. Et puis, bah ouais, il y a plein de bonnes choses. Et 25 ans de musique un peu bruyante, résumé comme ça. C'est très très bien foutu. Duo qui est très engagé, on l'a entendu, qui est intelligent, qui n'en fait pas trop quand même. Et surtout l'énorme baf sur scène. Ça restera en tout cas ici chez les Canards comme souvenir d'un des concerts plus mémorables. C'est très bruyant. Franchement, ça va partout. C'est saute dans tous les sens. En ça fait. Va partout, on en a partout. C'est ça. Allez, fil rouge, nouveau fil rouge. Mais il durera sûrement moins longtemps. J'ai pas quelque part. Je ne sais pas. Nouveau. Ah voilà. Si, nouveau. Fil rouge. On part avec Monsieur Leonard Cohen. Ah ben oui. Forcément. C'est bien. Ben, c'est bien. C'est bien. Si. Si. Bien. Voilà, décidez ça comme ça. Leonard, bien. Bah oui, Leonard Cohen, qui est né, bah justement, c'est tombé plutôt bien, en fait, à 21 septembre 1934, au Québec, mais du côté anglophone. Ah. Voilà. Bah ah, oui. C'est lui. C'est lui. Il a été élevé dans une famille qui était très pratiquante, mm-hmm. Une famille issue du judaïsme, et il va faire ses études au Québec, voilà, dans des classes de pour devenir en fait poète et écrivain. Mm-hmm. Voilà, ce qu'il va faire en sortant de l'université. Mais finalement, bah, ça va pas très bien se passer. Il va être très déçu et en 1967, il va décider de partir aux États-Unis pour trouver un... Chez le grand cousin. C'est ça, voilà. Et pour en fait devenir chanteur folk. Ah ouais. Bah ouais. J'aurais imaginé écrivain ou un truc comme ça. Non, parce que comme il y a sorti plusieurs choses et plusieurs poèmes, dont un premier livre de poésie qui s'appelle Death of a Ladies Man, qui va pas du tout marcher en fait. Et donc bah, il va décider de partir aux États-Unis, de tenter sa chance en tant que qu'auteur, compositeur, chanteur, mmh. Folk. Voilà. D'accord. En 1967, et il va rencontrer ben, Andy Warhol. Voilà. Et surtout, il va rencontrer Judy Collins, qui apparaîtra dans plusieurs de ses chansons, en tout cas. Et notamment sur ce Suzanne. Ben oui. Forcément. Qui est son premier morceau, voilà. Et qui dira surtout qu'en fait, c'est pas un morceau. C'est fait. Voilà, pour lui, c'est pas une chanson. Et pourtant, ça a fait un peu le tour le tour du monde et c'est ça continue ouais, et ouais, c'est l'un des morceaux les plus repris au monde. Bah oui, quand même. On va écouter tout de suite ce morceau d'ailleurs pour commencer. Allez. Ce fil rouge avec un classique, Leonard Cohen. Un vrai classique, Leonard Cohen, Suzanne. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Oh! Allez, retour sur les musiques bruyantes et agitées qui peuplent pas mal les ondes ici sur à l'antenne hein, quand même. C'est pas ce qui manque. Hein. Mm-hmm. Avec Slipe le dimanche, Rogue Nations ou encore Riff d'Enfer lundi soir et même chez Transhumance. Il hein, y en a partout et il y en a un petit bout dans les canards aussi. Chouïa. Pourra pas dire que ça fait pas du bruit à RQC. Bon, retour évidemment, on annonce ça pour le mois de novembre prochain, d'un nouvel opus d'un jeune groupe en devenir qui s'appelle Cannibal Corpse, bien sûr. Oh, quel jeune groupe. C'est ça. Un single est issu, ça s'appelle Red Before Black, tout simplement. Ça sortira, le single sortira le 3 novembre via Metal Blade. Red Before Black, c'est le nom de l'album, j'y arrive. Ça sortira le 3 novembre via Metal Blade. Il y aura plusieurs formats disponibles, bien évidemment. Du vinyle noir, du vinyle avec plusieurs couleurs, double CD, simple CD, et voire même un coffret, si si, plein de choses pour Cannibal Corpse, qui met les petits plats dans les grands. Mais ouais, à mon avis, les gens qui écoutent Cannibal Corpse sont les moyens maintenant. C'est ça. Ils en avaient pas quand ils étaient jeunes et boutonneux, maintenant qu'ils sont banqués, bon. Ou pas. Voilà. Allez, Black Dahlia Murder qui propose un nouvel extrait de Nightbriars, album qui sortira le 6 octobre prochain, toujours via Metal Blade. Metal Blade, il va se mettre plein de sous dans la poche. Et il y a déjà un premier extrait qui circule évidemment sur la toile, comme bien souvent, en format vidéo, ça marche bien. On part en Suède, Deadheads. Qui, si vous aimez un peu le genre rock garage avec du cambouis un petit peu métallisé comme ça, hein, genre Helicopters ou Turbo Negro, et ben Deadhead c'est dans le même registre. Ils sont suédois aussi et ils vont sortir un troisième opus qui va s'appeler This One Goes to 11. Ça sortira en janvier prochain. C'est High Roller Records qui va s'occuper de cette sortie là. Et ça promet de faire plein de papouilles finalement, parce que ça risque d'être un bon disque déjà de rentrée. En parlant de bons disques et de rentrée, voire de disques pour les fêtes, hein, parce que ouais, les fêtes c'est quand même déjà dans moins de 3 mois. Maiden évidemment, qui s'apprête à sortir un album live, ça va s'appeler The Book of Souls. Live Chapter, ça va sortir sous plein de formats différents, dont un format bouquin. Ouais. Ça, c'est sympa. Mm-hmm. Voilà, il y a une vingtaine de titres là-dessus, quoi. Speed of Light, évidemment, c'est le titre annonciateur de cette sortie pour Maiden. Ça, c'est pour mettre sous le sapin, à mon avis. Ça ressemble à ça. Il y a des chances. Probablement la grosse déception de l'année, on verra ça à l'autopsie, mais Prophet of Rage qui continue à sortir des titres ça et là, alors que l'album en entier est plutôt bof. Voilà. Ouais, on a fait tout un plat autour, mais bon. C'est ça quoi, Rage Against the Machine, Cypress Hill, Public Enemy, sur papier ça fait rêver. À l'oreille, ça fait saigner. C'est souvent le cas quand même. Ouais, on poursuit avec un petit jeune qui revient aussi, qui s'appelle Bootsy Collins. Worldwide Funk sortira le 6 octobre prochain et c'est du Bootsy Collins pur jus, un petit peu plus métallique, mais voilà quoi, c'est du bon Bootsy Collins. Dans les sorties, on épingle encore évidemment The Walking Dead Orchestra, qui présente un extrait de Resurrect, album qui sortira le 13 octobre prochain. Le clip est très bien foutu pour Vengeful Flavors. C'est franchement bien fait. Clip pas très bien foutu et titre un peu moyen pour un groupe pourtant qu'on adore ici. Shining évidemment, mm-hmm. Les Norvégiens. Everything Dies, ça s'appelle. Ouais, bon, ça va. C'est un peu popisé comme ça sur les coins dans les entournures. Et ça se fait snowmorise de plus en plus. D'accord. Voilà. Allez, on poursuit encore et toujours dans les sorties et on va quand même retenir, ça fera vraiment plaisir à ceux qui aiment, on va dire la musique plutôt lourde et sombre, Cult of Lena qui va sortir en Eternal Kingdom en vinyle, ça sera doré, jeté et noir, ça sortira en décembre, forcément, hein, puisque On vous dit, c'est les fêtes de fin d'année. C'est pour sympa. Bon, ça va être une bonne sortie et c'est un bon album, le Eternal Kingdom de Cult of Luna. Et l'objet, à mon avis, va être très très beau. Voilà, hein. On peut aussi faire un peu tout de com' là-dessus. C'est vrai que maintenant, comme ils ont du mal à vendre des disques, ils font des efforts sur le packaging. C'est ça, ils mettent des sous sur le packaging. On part aux États-Unis pour le groupe à écouter qui a été chroniqué cette semaine. On s'en va rayon hardcore, black metalisé parfois, mais pas toujours, peut-être dans les influences, mais vraiment ouais, hardcore bien habillé, voilà. Hardcore habillé parfois de hard rock, parfois de folk, mais ça dépend. Integrity, groupe qui vient de l'Ohio, qui sort en cette année 2017 un album qui s'appelle Howling for Nightmare Shall Consume, tout un programme évidemment, 14 titres, ça sort chez le toujours très fin Relapse Records, qui aussi se met un petit peu des sous dans la peau poche quand même. Et à voir comme ça, c'est déjà le 8-9e album pour cette formation qui existe depuis 98 quand même. Ça date, Integrity. Ouais. Extrait donc de Howling for Nightmare Shall Consume, Integrity. On va écouter Hymn for the Children of the Black Flame. Titre que j'ai choisi juste parce que j'adore dire le titre. Ça m'étonne pas du tout. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Giant hamburger, meatball and gravy. Giant hamburger, meatball and gravy. What you say, Willie? Meatballs and gravy. Hey Willie, yeah, man. She got the pots on. It's not them hamburgers frying. Hamburger, man. Meatball gravy. Hey, Willie. Yeah, man. Get the smoke coming out that stove, man. That ain't smoke, that's ash. What? Ash. I smell hamburger. What you say? Meatballs and gravy. Listen to that guitar, man. Cookie. Sound like you're on the railroad track. Right on. She's putting onions on them hamburgers. No meatballs, man. Meatballs are great. Hey, Willie. Yeah, man. You think we can say meatballs and gravy together? All right, let's go. I meatballs ain't gravy. Hey, giant hamburger, man. Get that groove again, Willie. All right, let's go to meatballs and gravy. I meatballs and gravy. Hey, Willie, how we got on that meatballs and gravy thing? Allez, le petit morceau groovy du soir. Tout petit. Pire une fois, il était tout petit. Petit. Bah, 3 minutes, c'est pas tout petit. Hein. Oh, bah, c'était tout petit. C'est format radio. Mm-hmm. Voilà. Victor Green. Mm-hmm. Giant hamburger partout. Sorry. J'adore. Enfin, j'adore aussi. Toujours extrait de cette compilation. Street Sounds from the Bay Area. Music City, Funk and Soul Grooves, 1971-75. Si vous cherchez la Barrera, c'est à San Francisco. C'est ça, voilà. Donc, oui. Ce qui explique un petit peu le concept un peu fumeux. Légèrement. De la question. C'est ça, voilà. Mais oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Ouais. Alors, la compil était sortie en 2011, pour ceux qui cherchent. Trouvable encore. Oui, hein. Oh, oui. Oui, bien sûr. Oui, rassurez-vous. Bien, bah on va aller un petit peu dans la douceur, tiens. Ouais, c'est pas toujours courant chez Canard. Ouais, je vois que j'ai dit plein de trucs un peu poppy et un peu doux. Oh mon Dieu. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai des trucs un petit peu moins popeux. Chacun son tour. C'est ça. Alors, groupe français, projet français qui s'appelle Tiny Feet, qu'on pourrait appeler par Petit Pied aussi. Hein, c'est mignon. Tiny Feet qui sort un nouvel album qui s'appelle At The End de chez les disques Normal. Tiny Feet, c'est avant tout le projet d'une fille qui s'appelle Emily, qui est une bretonne, voilà. Ça aurait probablement eu un effet un peu plus confidentiel si la fameuse Emily en question n'avait pas pour copain un certain Yann Tiersen. Ah, voilà. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Et donc, Tiny Feet, c'est Emily et Yann Tiersen. Et, excusez du peu, quand même, un certain Simon Smith, batteur de Wedding Present, quand même. Ouais. Voilà, qui les accompagne. Et tout ce petit monde a enregistré. Ce disque vraiment intéressant, As an End to Death, comme une fin pour la mort. Mm-hmm. Et extrait de As an End to Death. Tiny Feet, on va écouter At the End, paru chez Disque Normal, et c'est nouveau. Oui. Instead, soaking decay. reconnaissable à sa voix et à son style de musique. Ah bah ouais, carrément. Zola Jesus, extrait de son tout nouvel album. Bien. Il s'appelle Okovi, et on a écouté le premier extrait, ça s'appelle Souk. Mmh. Ouais. Bien. Bien. Allez, c'est l'heure de l'archive du vinyle qui va craquer un petit peu. Vinyle qui a 30 ans quand même. Hein. Voilà. Maxi 45 tours pour ce soir. Une chanson qui était extraite d'un album qui s'appelle Strange Ways, Here We Come. Album qui sort en 87, 30 ans. Bim. Ouais. Album des Smiths. Voilà, les Smiths, ouais. C'est très très rare. Hein. Ici, chez les Canards, franchement... C'est pas souvent. Morrissey, c'est un personnage, on aura tout dit sur ce bonhomme-là. Strange Ways, Here We Come, c'est le dernier album hein, au studio des Smiths, qui aura une carrière finalement fulgurante entre 84 et 87. Et puis le groupe s'est séparé. Morrissey continue à sortir ça et là des albums. D'ailleurs, il y a une actualité puisqu'il y a un album qui sort le mois prochain pour Morrissey, nouvel opus. Ouais. Voilà. Et on en pense comme on veut. C'est ça. On n'est pas spécialiste ici pour dire du bien ou du mal. Mais on s'arrête sur cette chanson qui s'appelle « Stop me if you think you've heard this one before ». Oui. J'adore le titre. chanson qui est voulue comme single pour la promotion de ce disque avec un vidéoclip. Alors, il y a 30 ans quand même, hein. Tourné à Manchester, on y voit le Salford Lads Club, qui est un club célèbre où il y a les membres du groupe, leurs amis qui font du vélo. Voilà. Par contre, la chanson est tout à fait interdite en Angleterre parce que dans les paroles, on entend plain murder, a mass murder, organiser un massacre, et ouais, rien que ça. Et comme en mai de cette année-là, il y a un homme qui a tué 16 personnes, ben voilà, la BBC décide de ne jamais diffuser cette chanson-là. Et donc cette chanson va vivoter et ne va même pas apparaître sur la sortie, le pressage initial de l'album Strange Ways, Here We Come, mais va sortir notamment en version 45 tours et maxi 45 tours. Nous, on est sur le maxi 45 tours. Une chanson qui sera reprise en 2007 par Mark Ronson et par Paul Oakenfold en 2008. Voilà, j'ai presque tout dit. Sauf que j'ai encore un truc, si vous allez regarder la pochette du vinyle, Stop me if you think you've heard this one before. Déjà, c'est écrit nulle part le titre. Il y a juste le Smith qui écrit là-dessus. Et il y a un jeune homme qui fait partie des jeunes, justement, en bicyclette. Ah, bah voilà. Et le jeune homme en question, c'est un certain Murray Head. Voilà, pour la petite histoire. De Smith, Stop Me If You Think This Heard This One Before. Maxi 45 tours, ça va craquer, c'est fait exprès. Stop me, oh, stop me. Stop. Books on the radio. Alors, âme sensible s'abstenir. Surtout, voilà. Bon. Si vous voulez éteindre votre radio pendant 5 minutes, ça commence fort. C'est le moment ou jamais. Le bouquin s'appelle Buxco. C'est compliqué à dire, de Loana O'Haro. Qui est auteure française, qui habite à Belfort, qui est auteure et scénariste. Voilà, plus plongée dans la psychologie et l'horreur. Voilà. Et Buxco, c'est un personnage, c'est le personnage principal de son roman. Buxco, qui est en fait pédophile. Ah. Voilà, beaucoup moins marrant tout d'un coup. Et il raconte en fait, c'est son journal. Oh punaise. Voilà. Alors écrit par une femme, c'est très perturbant. Ah bah ouais, le tu récit est très très perturbant. Il est très bien écrit. En plus. Voilà. Donc on passe de la maladie, si on peut appeler ça comme ça, on ne sait pas trop, du pédophile jusqu'à sa folie. Et jusqu'à la fin du bouquin. Donc on se retrouve avec Buxco qui habite tout seul dans une maison un peu retirée. Qui a un ami qui vient voir en fait une fois par semaine Buxco. Chez lui, pour profiter de la dernière petite fille qu'il a enlevée. Punaise. Ouais. Et il va enlever une petite fille qui est passée en fait à la boulangerie où il travaille. Et il va l'appeler Ellie. Alors pourquoi Ellie ? Voilà, on le saura plus tard dans le bouquin. On le sait un peu plus tard dans le bouquin. Et donc, ce bouquin relate les horreurs que va vivre cette petite fille et ce qui se passe dans la tête de Buxco. Bien. Durant toute l'histoire. Immonde. Ouais, immonde. Alors, c'est, y a pas de scène dégueulasse ou voilà. C'est suggéré. C'est suggéré complètement. C'est encore pire. Y a pas de description, y a pas de détails. Ce serait super sordide, ouais. Voilà. C'est pas non plus un bouquin d'horreur. Alors c'est super bien écrit, c'est très prenant comme histoire. Alors j'ai lu plein de commentaires en disant finalement j'ai honte de le dire mais Buxco fait un peu pitié. Pour ma part non, pas du tout, bien au contraire. Mais ça reste, on entre quand même dans la peau du personnage et dans la tête du personnage, sans prendre pitié, en prenant plutôt parti pour la petite fille. D'accord. Voilà. Mais ouais, c'est très très perturbant. Eh ben attends, tu m'étonnes. donc âme sensible, vraiment s'abstenir. Ouais. Il y a plein de commentaires sur ce bouquin et, qui est très très bien noté, qui est très bien accepté par la plupart des gens, même par les parents, donc pour ceux qui ont lu, qui ont des enfants. Mais ouais, je pense que si t'as un enfant, tu le refermes à plusieurs reprises durant ta lecture et t'y reviens quelques heures après, après avoir vérifié que ta fille ou ton garçon va bien. Bon. Ouais. Voilà. Mais elle a l'habitude apparemment d'écrire ce genre de bouquin. C'est son deuxième bouquin. Il y a La mathématique du chaos qui était passé en premier bouquin et il y a un troisième bouquin. D'accord. Qui est sorti. Busco, c'est son deuxième bouquin, c'était sorti en 2015. Loana Orao. Ouais. Ça s'appelle Busco. C'est sur chez un petit éditeur un jour. Ouais, ELP Édition. Ouais. Donc c'est Écrire, Lire, Penser. Édition, voilà. Bien. Et si vous voulez, alors si vous voulez l'avoir aussi, n'hésitez pas. Ce qui est génial, c'est que ben voilà, moi j'ai. Ah, une petite dédicace. La petite dédicace parce que vous pouvez, elle est super accessible en fait. D'accord. Voilà, c'est un auteur qui est super accessible, donc vous pouvez sur Facebook par exemple, vous tapez son nom, vous pouvez le commander directement en fait chez elle et elle vous envoie avec une petite dédicace. Bah sympa. Bien sympa. Enfin sympa pour parler d'horreur, mais. Ouais, voilà. Bon, ouais. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains clairement. C'est ça pour public averti, vraiment. C'était de la curiosité. Quand même pour ce bouquin parce que je voyais plein de posts là-dessus et plein de gens qui en parlaient en bien et je suis pas déçue du tout parce que ça reste quand même, il y a un peu de poésie dedans, il y a un peu de malgré l'horreur, donc ça passe quand même en fait finalement. Bon, voilà, allez, ça va passer aussi dans vos oreilles. Collaboration entre une diva gothique new-yorkaise, on va dire ça, grande prêtresse chez les Swans du temps de leur splendeur, hein, même s'ils sont très très bienvenus pour clôturer le chapitre, Jarboux, qui s'associe avec des gens qu'on a rencontrés, qui sont extrêmement accessibles aussi, sympas, Father Murphy, oui. Le temps d'un 45 tours, voilà, de face. On va s'écouter de Ferryman, qui est la face A, mais là c'est pas en vinyle, évidemment, vinyle n'est pas encore arrivé, son version numérique, Jarboux and Father Murphy de Ferryman, c'est parti. To go through loss, bitterness in your heart, to look inside. Yourself in prayer. See opportunity in conflict. Whoa. Allez, suite et fin de l'album de la semaine. Toujours avec Emperor et son Everyday's Death and Resurrection Show. Ça, c'est marrant. Vous pourrez les retrouver en concert le 19 octobre. Ah, c'est bientôt. Voilà, au Centre Culturel de Forêt. Yeah. À Bruxelles, donc, voilà. Avec Panthère et Turquoise. Voilà, pour ceux qui veulent. Alors, des nouvelles du concours ? J'appuie. C'est vrai ? Ouais. Empereur. Attention, il y avait un vinyle à gagner. Un vinyle qui n'est pas déballé, comme celui que j'ai fait craquer devant le micro, qui est toujours prêt à partir. C'est assez marrant parce qu'en fait, il y a une personne qui a répondu. Ah ! On peut lui faire un petit coucou. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il s'appelle Léon. Salut Léon. Voilà. Salut Léon. Donc Léon. Léon. Nous t'annonçons. Attention. Que tu as gagné. Oula, il a trouvé donc. Il a trouvé. Ah mais c'est formidable. Formidable. Ouais. Que tu as gagné donc le vinyle. Eh ben voilà. On va lui rapporter. On va lui rapporter. On va. On le laisse ici. Je on le laisse ici. On verra bien. Bon. On peut lui rapporter samedi. On peut lui rapporter samedi, Léon. Oui, album. Le lien. Donc la question, c'était quel est le rapport entre le label. Alors il y avait deux. Deux questions. Deux. Oui, il y avait une question. Il y avait deux réponses possibles quand même. D'accord. Et donc c'était soit Casbah Records. Ouais. Soit le Turc Mécanique. C'est ça. Et voilà. Et Casbah Records, parce qu'il y a une émission qui s'appelle Rock à Casbah, qu'on retrouve sur nos ondes le vendredi matin, entre 9 et 10. Ouais. Et le dimanche soir, après nous, enfin presque après nous, à 23h jusqu'à minuit. Voilà. Voilà. Et on salue Julien au passage, Casbah Records. Ouais, saluons-le. Voilà. Il y a un très bon groupe dans son petit portefeuille. Il y a de quoi faire. Elle est extrait de cet album Every Day's Death and Resurrection Show Emperor. On va écouter le dernier morceau de l'album. Il s'appelle Mandalas. Thank you. que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Archive du dimanche. Quelle archive? Ouais, c'est pas de la petite. Hein. C'est pas de la petite du tout. Vous aurez probablement reconnu le chant assez caractéristique d'un certain Jim Morrison. On est sur un album des Doors. Et quel album, s'il vous plaît, messieurs, dames? Strange Days, album qui sortait le 25 septembre 1967. Demain, ce disque aura 50 ans. Eh ben. Et donc, déjà. On en cause ce soir. 50 ans pour cet album qui est absolument incroyable, de bout en bout. C'est vraiment un disque à part, même dans l'histoire de la musique. Si vous n'êtes pas des grands connaisseurs de rock'n'roll et ce genre de choses, si vous fallait aller dans une petite mallette, 10-12 albums un peu essentiels, celui-là est essentiel. Voilà, pour d'accord, comprendre un petit peu les tenants aboutissants. Le côté théâtral, bien sûr, des Doors qui transpire sur tout le disque, mais aussi l'inventivité, parce que c'est aussi ça qu'on retient sur cet album qui ne vieillit absolument pas, mais alors pas d'une note, de rien. Album qui est toujours très très moderne, je rappelle, 50 ans demain, et c'est pas rien quand on dit qu'un album est toujours moderne après 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser des sons vraiment particuliers dans les enregistrements, des Moog, c'est des petits synthétiseurs qui ont un son un petit peu cracra mais qui vont être transformés. On va, si pas travailler le sample, on va travailler sur les bandes magnétiques des cassettes audio. Et en jouant avec la vitesse de ces bandes-là, on va faire des effets sonores, par exemple sur un titre comme Horse Latitudes, qui est un titre noise avant l'heure, voilà, hein, rien que ça. Y a des titres très forts, très marquants, presque synthétiques, alors que c'est quand même toujours organique leur musique, comme Strange Days, évidemment, qui donne le nom à cet album. On est démarré cette rétrospective avec Moonlight Drive, qui est une chanson écrite en 1965 et qui est la première chanson écrite par les Doors. Voilà. Ça se passe le long d'une colline. Ils sont occupés de se balader près de la Lincoln. Je reviens plus sur le nom. Enfin voilà, la vallée Lincoln, voilà, il se balade avec Raymond Zarek, il a des idées qui se bousculent dans sa tête, le père Jim, et bim, il s'en va écrire le Moonlight Drive, qui est une chanson, petite chanson sympathique, hein. Il déclare son amour à une certaine Heather, on ne saura jamais qui est cette Heather, évidemment. Des chansons qui étaient enregistrées à l'époque au Trans World Pacific Studio, c'est près de la mer. C'est pas très bien enregistré, ça va être réenregistré, c'est pour ça que ce titre Moonlight Drive de 65 figure sur le deuxième opus, parce qu'il y a eu du studio entre deux, voilà. Strange Days a été enregistré, enfin quasi toutes les chansons ont été enregistrées en même temps que les chansons du premier album, qui est sorti en 67 aussi, parce qu'à l'époque on pouvait sortir deux albums la même année, voilà. Et la finition de ce disque, et ça c'est assez... fou quand même comme procédé, ça a été enregistré fin mai au mois d'août et ça sort le 25 septembre. Hop, au revoir et merci. Comme ça c'est fait, on va pas traîner. Du Laurel Canyon, j'ai dit Lincoln mais c'est Laurel Canyon, je reviens dessus, voilà. Y a cette pochette aussi qui aura interrogé plein de gens, qui est somptueuse. On voit des freaks carrément, hein, c'est des artistes de cirque, probablement des performeurs qui sont venus faire un show et qui sont pris en photo comme ça dans la rue. C'est une... Ça a vraiment existé. La photo a été prise à la Sniffen Court, qui était une résidence basée près de Lexington, à la 3e avenue à Manhattan. Et le photographe a eu cette idée de génie de faire ce cliché qui aura fait le tour du monde, bien évidemment. L'album, comme le précédent, sort chez Elektra Records. Et des années plus tard, il continue à alimenter les conversations, parce qu'il y a plein de choses dans ce disque. Je l'ai dit au niveau musical, il y a... l'utilisation des synthés, en tout cas des claviers de Raymond Zarek, de manière assez inédite, voilà. Et on va utiliser des clavicordes, des harpsichordes, qui sont toutes des sortes de petits claviers comme ça, d'instruments plutôt classiques, qu'on va aller mettre dans des morceaux plutôt rock. À la guitare, on n'est pas en reste, puisqu'on va jouer sur les accordages. Enfin, il va se passer plein de choses dans dans cet enregistrement, pour faire un album assez unique finalement. Et je le dis, si vous voulez votre petite valisette avec 10-12 albums essentiels, ce Strange Days doit en faire partie, parce qu'on écoute ces sons là on écoute la poésie de Jim Morrison et on comprend pas mal de choses, et pas mal de choses même actuelles dans la musique. Voilà, grosse source d'inspiration, album qui aura inspiré entre autres sans coup faire rire, un Ian Curtis par exemple de Joy Division, ou encore un Traîtresse Nord de Nine Inch Nails. S'il n'y avait pas eu cet album là, il n'y aurait probablement pas eu ni Joy Division ni Nine Inch Nails, voilà. Il y a des chances. Si vous voulez un petit peu des repères dans le monde de la musique, parce que parfois on a besoin de repères. Allez, on en a plus qu'assez dit, et puis finalement les paroles, c'est pas très très important. Ce qui est important évidemment, c'est la musique. On va quand même rappeler que la photographie, enfin la photo, ça a été fait par Joel Brodsky, j'ai oublié de le mentionner. On va revenir sur ce fameux morceau, Strange Days, repris il y a quelques années sur la BO du film du même nom, ouais. avec Raymond Zarek qui jouait à l'orgue et Prong en backing band. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Et il y a la moto qui est de retour. C'est drôle ça. Allez, dedans, Strange Days, la plage titulaire qui ouvre cet opus. Morceau absolument incroyable. Yeah! Une petite douceur. Miam. Miam, miam. Trio français. S'appelle Cerveau, S-E-R-V-O. Alors l'album était déjà sorti il y a un an, 1er octobre 2016, de Lair of Gods. Et c'est en fait ce morceau, Tri, qui est sorti en clip cette année. D'accord. Voilà, qui fait qu'on découvre ça maintenant. Bien. Enfin, très très bien. Fort bien. Ouais, ouais, ouais. Plein d'influences dans les années 80, comme ça. Légèrement. Non, très bon, très très bon. À suivre. À suivre, absolument. Allez, R.I.P. in Peace. Vous pourrez traduire par Rest in Peace, je ne sais pas. Probablement le jeu de mots qu'il a voulu faire. Il n'est pas à ça près. Geoffrey Laporte, plus connu sous le nom de Jessica 93, oui. Qui va revenir avec un nouvel album en novembre prochain. Et ça va sortir chez une très bonne maison qui s'appelle Teenage Menopause Records. On connaît bien par ici. Ouais, des amis, toujours. Et restons entre amis. Après tout, parfois, c'est sympathique. Album qui sortira donc le 3 novembre. Je l'ai dit, si je n'ai pas dit. Voilà, c'est le 3 novembre. R.I.P. Peace, Jessica 93. Le clip est incroyable. Et le clip est assez incroyable. Il est vrai, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Il faut le voir. C'est parti. We'll be right back. RQC. Je danse et je plais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De cet lieu, petit frère peut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Pour nettoyer vos petites oreilles. Efficace, efficace. Les Canadiens de Metz. Hein? Avec Mr. Plague, extrait de leur dernier album Strange Peace. Mm-hmm. Pourquoi on en parle? Parce que le 10 novembre, vendredi 10 novembre, mm-hmm. ils seront présents à la pré-partie, comme on appelle, mm-hmm. du Sonic City Festival. Voilà. Ouais, et en très bonne compagnie. Ah. Avec Moon Duo. S'il vous plaît. Et de Soft Moon. Et bam. Sympathique, hein. Ouais. Et les canards, ils seront. Oui, ben forcément. Oui. Mais oui, j'ai envie de dire. Ben, c'est tous des gens de fort bonne compagnie. Donc, c'est ça, voilà. Forcément. On sera avec des gens de fort bonne compagnie. Bah écoute, bonne mal à se faire du bien. Hein. C'est clair. Quand même, il faut faire un. Hein, c'est bien. Alors là, c'était passé complètement en dessous des radars. Et c'est passé complètement en dessous des radars pour ma part depuis 17 ans que le groupe existe. Oula. Ouais, bah ça arrive quand même. On s'en va à Manchester. Le groupe s'appelle The Pocket Gods. Oula. Et Jeu de Poche, c'est rigolo déjà comme nom. C'est ils vont sortir un album tout prochainement. Mais 100 Songs and All 30 Seconds Long, qui va s'appeler, voilà, qu'on pourrait traduire par 100 chansons qui font 30 secondes. Mm-hmm. Et ça sera leur 72e album en 17 ans. Je chante pas. En 17 ans, de folle, tu peux aller te coucher. C'est ça. Voilà. Et donc, je ne connaissais absolument rien de ces gens-là. Il y a un single qui ne figurera pas sur ce disque qui voyage, qui s'appelle Searching for the Divine. Ça porte bien son nom, c'est très doux comme ça. Mm-hmm. Et on ira écouter The Pocket Gods, Searching for the Divine. C'est parti. The Pocket God Searching for the Divine. Et groupe assez incroyable. Apparemment. 100 ouais. chansons de 30 secondes. Et surtout 72 disques en 17 ans. Ils aiment bien. Manchester. Et ouais, la mouvance, si vous recherchez un petit peu dans leurs amis comme ça, on retrouve notamment Jesus and Mary Chain. Ouais, j'ai vu. Primal Scream. Forcément. Les Happy Mondays, tout ça quoi. Mm-hmm. Bref, le Madchester des années 90. C'est ça. Bon, et ben c'est le petit dernier. Allez, le petit dernier. Mm-hmm. Avec un petit clin d'œil chez nos voisins allemands qui... Jeune. Bon, c'est ça. Qui vont voter aujourd'hui quand même. Paraît-il. Bah oui, donc voilà. Et un des groupes allemands les plus connus au monde. Die Krupps. C'est cela, oui. Ouf. Non plus. Ah. c'est le sous. Grind me light for the merheit. Rammstein. Ah ouais, bah, oui. Ah, ah oui, les petits, ah, oui, c'est ça. Voilà, extrait d'un album sorti en 2004. Oui. Ça s'appelle Rise Right. Mm-hmm. Je sais pas comment ça se dit en allemand. Rise. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Et on va écouter. Bon disque, hein, d'ailleurs. Bah oui. Si, bon disque. Très bon disque. C'est vrai. Et on va écouter Mein Teil. Ah. Ah bah oui. C'est parti. T'aurais pu mettre Links to One. Ouais, je sais, j'y ai pensé, mais Mein Teil, ça reste quand même. Histoire de les influencer. Enfin, c'est trop tard, ils ont voté. Bah maintenant. Oui, c'est ça. Ja, da lass ich mich. C'est toujours drôle. Si. Ouais. On parle de groupe théâtral, Rammstein. Ah, on fait bien parti. Ah ben ouais, Sonderproblem. Bien, il est temps de se quitter. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents. Non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Promis, on revient vite, hein, parce que chaque fois on vous dit ça, puis ça va trop mal. Non, non. Là, non, obligation professionnelle dimanche prochain. Promis, on revient. Et on reviendra la semaine prochaine avec... Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est vrai, je me trompe. Dans 2 semaines avec Justin. En invité, d'accord, de bah notamment qui bosse dans un studio qui s'appelle Go Recording, vous connaissez, mais c'est surtout pour parler de ses rencontres au Dour Festival, puisqu'elle a eu l'occasion de traîner un petit peu backstage, et donc on aura juste un invité qui va nous relater un petit peu tout ça avec des sons, donc cool. On passera des petits extraits d'interview, voilà tout ça. Et ben, à dans 15 jours. Bonsoir. Bye. Ducks, quack, quack, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks, quack, quack, quack, quack. The best in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning to booze. Ducks, ducks, quack, quack.